nouveau pas de géant vient-il d'être franchi dans la compréhension de l'histoire de l'univers? Depuis la première détection d'ondes gravitationnelles en 2015, l'enregistrement de ces sursauts infimes venus du fond de l'espace-temps se multiplie, comme en témoigne l'annonce récente de 35 nouvelles détections. Que peut-on attendre de la future combinaison des stratégies instrumentales pour la détection d'ondes gravitationnelles d'un genre nouveau? Et ces ondes ouvrent-elles une nouvelle ère dans la recherche en astronomie et astrophysique qui nous permettra d'aller au-delà des observations déjà permises par la lumière? Gravitationnelle, la déferlante, c'est la vague spatio-temporelle que nous allons surfer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces nouvelles détections d'ondes gravitationnelles et des grandes questions qui se posent en lien avec ces déformations de l'espace-temps, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Stier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Paris en physique théorique. Nous sommes également en compagnie d'Antoine Petitot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU au CEA. Mais avant d'entamer notre discussion, il est l'heure de retrouver celle qui détecte le moindre frémissement d'ondes sur la toile cosmique de l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et pour commencer ce journal, on revient sur l'émergence du nouveau variant du SARS-CoV-2. Hier, l'Organisation mondiale de la santé indiquait que la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial est élevée. Oui, les ministres de la santé du G7 hier ont appelé à une action urgente. Mais aujourd'hui, on sait très peu de choses sur ce variant. Il est apparu en Afrique du Sud, qui est actuellement en pleine quatrième vague, et Omicron a depuis été détecté dans 17 pays. Alors grâce aux premières séquences génomiques, ce que l'on a, c'est sa carte d'identité. C'est une source d'information importante. Grâce à ça, on peut le suivre et le détecter. Ce qu'on voit avec cette carte de mutation, c'est un très grand nombre de mutations, une trentaine. C'est beaucoup plus que ce que l'on a vu dans les autres variants. Et nous avons des suspicions sur le fait qu'il puisse être plus transmissible. Et le CDC, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré qu'un échappement immunitaire partiel est probable. Mais ça, avant de pouvoir le confirmer, il va falloir encore attendre quelques semaines. Étienne Simon-Laurière est virologue à l'Institut Pasteur. La première, c'est leur grand nombre, puisque c'est beaucoup plus que ce qu'on a vu jusqu'ici dans les principaux variants préoccupants. Et puis, il y a les catégories de ces mutations, et les mutations qu'on a déjà associées, soit exactement les mêmes, soit à la même position, comme étant associées à des changements au niveau du comportement du virus, par exemple, qui est un petit peu mieux capable de s'accrocher au récepteur à la surface de nos cellules. Donc là, il y a plusieurs de ces mutations qui sont présentes. Ensuite, il y a des mutations qui sont dans d'autres régions de la protéine, par exemple au niveau du site de clivage, donc ce qui va permettre d'activer des protéines de spike pour qu'elles soient prêtes à rentrer justement dans nos cellules. Et là aussi, on a vu que dans d'autres variants, la présence de ces mutations pouvait faire que une plus grande proportion de particules étaient actives et donc infectieuses. Et puis la dernière catégorie, c'est celles qui sont un peu tout au long de la protéine, mais surtout dans le début de la protéine et dans le domaine de liaison récepteur, sont ces mutations qu'on a associées à, dans certains cas, une réduction de la liaison de certains anticorps. Bah là, ça se passe sur deux plans. En fait, le premier, ça va être vraiment l'épidémiologie. On va suivre avec attention ce qui se passe dans les pays qui sont déjà très concernés, notamment l'Afrique du Sud et puis le Botswana, pour voir comment le variant circule, s'il continue à augmenter en fréquence ou si c'était un effet simplement d'un cluster de diffuseurs, de super diffuseurs qui avaient contribué à ces premières données. Et puis dans les quelques pays où on commence à le détecter, où là aussi on peut avoir des informations sur sa diffusion. Je pense que ce qui a vraiment déclenché cette décision, c'est de voir ces courbes en Afrique du Sud avec des régions où il y a une très très rapide augmentation de la fréquence de ce variant. Globalement, dans la communauté scientifique, on reste un petit peu encore prudent là-dessus, puisqu'il y a d'autres facteurs, on a vu ça par le passé, qui pourraient avoir donné la même chose en fait. Quelques événements de super spreading, une situation où il n'y a pas trop de circulation et donc des cas peuvent remonter rapidement à quelques centaines de cas, quelques milliers tout juste. Et puis en parallèle, il y a tout l'aspect virologique et immunologique. Donc là, c'est dans les laboratoires, dans les tubes à essais, où les équipes, en premier lieu en Afrique du Sud, hein, parce qu'ils ont détecté le virus rapidement, ils vont faire des essais pour comprendre s'il échappe ou non au traitement, à certains anticorps monoclonaux par exemple, qui pourraient être affectés puisqu'ils ciblent souvent des régions de la spike, et aussi sur la réaction par rapport à des sérums de personnes qui ont été exposées au virus ou qui ont été vaccinées, et vérifier que ça permet toujours de le bloquer. Et donc on ne sait pas encore si ce nouveau variant pourra vraiment jouer un rôle dans l'épidémie. Et vous pouvez retrouver comme chaque jour cette information et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter ce journal ainsi que toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. On continue avec l'actualité liée au Covid-19. Les grands laboratoires pharmaceutiques testent déjà leur vaccin contre le variant Omicron. Oui, Pfizer, BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, tous ont déclaré avoir commencé des essais pour vérifier l'efficacité de leur vaccin Covid-19 contre ce variant. Alors selon Moderna, une mise à jour pourrait être prête début 2022. Du côté Pfizer, BioNTech, les laboratoires ont pris des mesures il y a des mois pour pouvoir adapter leur vaccin à ARN messager dans les 6 semaines. Et pourrait expédier des lots dans les 100 jours. Les laboratoires devraient savoir dans les 2 semaines si leur vaccin actuel est efficace contre Omicron. Là encore, patience. En bref, toujours, une étude parue dans la revue Cell Reports décrit une nouvelle méthode pour modifier le microbiome intestinal. Oui, et ce n'est pas par des probiotiques ni par des greffes fécales. Ces chercheurs californiens ont utilisé des bactériophages, des virus qui mangent des bactéries. Ils ont utilisé le phage M13, un phage qui cible spécifiquement la bactérie E. coli, et ils ont modifié M13 pour porter CRISPR-Cas9 et pour supprimer ses chromosomes. Appliqués sur des souris, les chercheurs ont ensuite vérifié les selles des rongeurs. En 2 semaines, E. coli avait quasiment disparu. C'est une approche expérimentale, mais selon les auteurs, il s'agit d'une nouvelle piste pour l'édition du microbiote intestinal. Et enfin, selon une étude parue dans la revue PNAS, nos ancêtres hominidés ont perdu leur grosse canine assez tôt dans l'histoire de l'évolution. Et la divergence entre les grands singes et les premiers hominidés s'est produite il y a environ 7 millions d'années. Or, parmi les primates, notre espèce est la seule à ne pas avoir de grosse canine. Chez les chimpanzés ou les gorilles mâles, ces grosses canines sont associés à des combats pour accéder aux femelles. Une équipe japonaise a recueilli les dimensions de plus de 300 dents fossiles qui recouvrent 6 millions d'années d'évolution d'hominidés, avec notamment des dents d'Ardipithecus ramidus, l'un des tout premiers hominidés. Grâce à une technique d'analyse statistique, les chercheurs ont découvert qu'il y a 4,5 millions d'années, les ancêtres humains mâles avaient des canines plus petites. L'hypothèse des chercheurs, les femelles hominidées ont peut-être privilégié les partenaires moins agressifs. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Depuis 20 ans, des centaines de chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillent sur ces interféromètres géants. Et après 20 ans de silence, la communauté scientifique a enfin reçu le murmure d'un cataclysme lointain. Le premier, certainement, d'une longue série. C'est à la fois un aboutissement et puis aussi, j'espère, le début d'une nouvelle forme d'astronomie, vraiment une nouvelle fenêtre sur l'univers, un nouveau moyen d'observer l'univers dans ses phénomènes les plus extrêmes, et que d'ici quelques années ou une dizaine d'années, que les zones gravitationnelles fassent partie de l'astronomie au même titre que les télescopes optiques ou les détecteurs de particules ou de neutrinos. Un nouvel œil s'ouvre donc sur le cosmos. Cette astronomie nous permettra de mieux comprendre la gravitation, la plus faible des forces fondamentales, mais qui gouverne les grandes structures de l'univers. Un univers qui reste pourtant très mystérieux. 95% de son contenu, la matière noire et l'énergie noire, nous sont invisibles, alors qu'elles ont un effet gravitationnel. Voilà pour cet extrait d'un documentaire de 2016 qui nous replace un petit peu dans le contexte. Daniel Stier, dans la longue et foisonnante histoire des découvertes en astrophysique, en astronomie, quelle place occupe cette découverte des ondes gravitationnelles, cette première détection en 2015? Est-ce que c'est une découverte de premier ordre? Absolument, c'est la première fois qu'on a vu que dans notre ciel, il y a non seulement des objets lumineux, telles que les étoiles qu'on voit, mais il y a aussi des objets noirs qui n'émettent aucune lumière. Et c'est donc pour la première fois qu'on les a vus directement, vraiment directement par les ondes gravitationnelles. Donc il y a plein d'objets noirs aussi dans notre ciel. Antoine Petitot, est-ce qu'on peut définir globalement ce qu'est une onde gravitationnelle? On verra qu'il y en a plusieurs types, mais voilà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Alors, Une onde gravitationnelle, c'est une oscillation de l'espace-temps. On fait l'analogie d'une toile qui vibre. Ce que nous dit la relativité générale d'Einstein en 1915, c'est que les masses déforment l'espace, que la gravité n'est pas vraiment une force, mais que c'est une courbure de l'espace. Et lorsqu'on a deux objets bien accrochés à l'espace qui orbitent l'un autour de l'autre, et ben ils vont faire vibrer cette toile, et c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Et donc en observant ces sources, en observant ces ondes gravitationnelles au niveau des détecteurs qu'on a sur Terre ou dans l'espace, on arrive à remonter à l'information sur ces objets. Donc c'est vraiment un nouveau vecteur d'information, une nouvelle fenêtre sur l'univers, comme ce qui était dit dans le reportage. Vous parlez, Antoine Petitot, de la toile de l'espace-temps. C'est une toile qui est quand même assez rigide. On n'est pas là sur une nappe de pique-nique. On a souvent l'image de la boule de pétanque qui roule sur la toile, la nappe de pique-nique. C'est quand même très rigide. Il faut que ce soit des événements très importants, très énergétiques pour déformer l'espace-temps. Exactement. Il faut des événements très, très, très, très massifs. La toile est extrêmement rigide. Une onde gravitationnelle, l'effet de déformation qu'on cherche à détecter, on dit que c'est une variation relative de distance. Donc c'est de l'ordre de 10⁻¹. C'est-à-dire que si on prend par exemple, on parlera peut-être de ça tout à l'heure, de un bras de détecteur LISA, donc deux satellites distants de 2,5 millions de kilomètres, la déformation due à l'onde gravitationnelle qu'on va détecter, c'est inférieure à la taille d'un atome. On comprend pourquoi on a mis autant de temps avant de les détecter, parce que ça a nécessité des prouesses techniques dont on parlera bien sûr dans cette émission. Daniel Stier, à quelle vitesse voyagent ces ondes gravitationnelles et comment ça se fait qu'elles ne nous arrivent pas déformées? Donc les ondes gravitationnelles dans la théorie d'Einstein, donc dans la relativité générale, se propagent à la même vitesse que la lumière. Mais dans d'autres théories, peut-être dont on aura peut-être le temps de parler plus tard, il y a d'autres théories où les ondes gravitationnelles ne propagent plus à la même vitesse que la lumière. Et donc, quand on peut mettre des contraintes sur la propagation des ondes gravitationnelles, on peut aussi contraindre ces nouvelles théories de la relativité. Et on verra bien sûr ces différentes théories auxquelles nous ouvrent les portes ces ondes gravitationnelles. Antoine Petitot, on entendait dans cette archive cet événement majeur qui a eu lieu en 2015. Qu'est-ce qu'on a détecté en 2015? Quel événement on a pu identifier grâce à ces ondes gravitationnelles qui ont voyagé dans l'espace-temps jusqu'à nous? Donc en 2015, ce qu'on a détecté, c'est le 14 septembre 2015, on a détecté la fusion de deux trous noirs. Un trou noir qui faisait 31 fois la masse du Soleil avec un trou noir qui faisait 36 fois la masse du Soleil. Et ces deux trous noirs ont fusionné et ont fait osciller l'espace-temps. On fait vibrer l'espace-temps et on a vu un signal très très clair, un rapport signal sur bruit. On ne s'attendait pas à avoir un signal aussi clair. Et il a fallu 6 mois aux chercheurs pour vraiment être convaincus et vraiment annoncer que c'était une détection d'onde gravitationnelle parce que c'était la première fois et c'était tellement propre qu'on se demandait même si c'était vrai. On en a détecté tellement depuis qu'il n'y a plus de doute, mais la première fois, on a vraiment pris des précautions et c'est un événement énorme pour l'astrophysique. Daniel Stier, quelle porte ça a immédiatement ouvert, cette première détection d'onde gravitationnelle en 2015? Ça nous a dit déjà que donc des mineurs de trous noirs existent dans l'univers, ce qu'on pensait, mais on n'en était pas sûr. Et ça nous a dit que des trous noirs de cette masse-là, donc de l'ordre de 30 fois la masse du Soleil, existent. Écoutez, maintenant qu'on a identifié un petit peu, qu'on a retracé cette histoire, cette définition des ondes gravitationnelles, on va plonger un petit peu plus avant dans cette émission. On va essayer de décortiquer les sources de ces ondes gravitationnelles. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On parle d'ondes, on parle de sources, mais on ne parle pas d'eau. Antoine Petitot, quelles sont les différentes catégories, les différentes sources possibles pour l'émission d'ondes gravitationnelles? Alors, une des grandes catégories, c'est deux objets compacts, donc c'est-à-dire très massifs, très denses, qui se tournent l'un autour de l'autre. C'est ce qu'on appelle les binaires. C'est la première détection d'ondes gravitationnelles. Est un système binaire. On en a donc les trous noirs sont une source privilégiée pour cela, des trous noirs de toute masse. Donc plus la source est légère, plus elle va émettre à haute fréquence, donc détectée par les détecteurs qu'on a au sol. Plus elle est lourde, plus elle va détecter par les détecteurs plus spatiaux. Il faut des détecteurs plus grands. Et donc on a toute une panoplie de sources, des sources qui vont de quelques masses solaires à des millions voire des milliards de fois la masse du Soleil. C'est les binaires de trous noirs supermassifs. Et après on a toutes les combinaisons des petites, des très petites avec des 10 masses solaires avec un très gros trou noir supermassif. C'est une source extrêmement intéressante pour comprendre l'espace-temps autour du trou noir supermassif. Donc on a toute une panoplie de sources binaires. Ensuite, si on se concentre, puisque c'est celle vraiment pour l'instant qu'on arrive à détecter, est-ce qu'on peut expliquer à quel moment était mise cette onde gravitationnelle dans ce processus rapide et très énergétique qui fait que, par exemple, deux trous noirs vont coalescer, vont fusionner? Alors, en fait, l'onde gravitationnelle était mise, de manière assez puissante pour être détectable, vers la fin de vie de ce système binaire, c'est-à-dire la phase spiralante jusqu'à la fusion, et aussi un peu lors de la formation du trou noir final qui va osciller et qui va vibrer et émettre des ondes gravitationnelles. Mais on peut observer les ondes gravitationnelles, et c'est ce qu'on voit avec le détecteur spatial LISA. On peut observer des ondes gravitationnelles qui seront émise par le système des milliers d'années avant qu'il fusionne. Et tranquillement, pendant des milliers d'années, le système va émettre des ondes gravitationnelles. Et pour certains d'entre eux, ils vont être observés par l'instrument LISA et après fusionner dans la bande de LIGO Virgo, dans la bande des détecteurs au sol. Parce que cette fusion, c'est comme une lente danse qui commence tout doucement et qui va en s'accélérant jusqu'à devenir extrêmement énergétique et qui, en une seconde, va faire que deux trous noirs extrêmement massifs vont fusionner. Daniel Stier, on parle de ça, de cette source-là d'ondes gravitationnelles, quelles sont les autres sources qui n'ont pas forcément encore été détectées et qui sont potentiellement productrices d'ondes gravitationnelles? Alors, peut-être que je peux dire qu'un point clé pour avoir une source d'ondes gravitationnelles, c'est qu'il faut un objet qui est massif, comme on a dit, parce que l'espace-temps est rigide, et il ne faut pas qu'il y ait une symétrie sphérique, parce qu'un objet sphérique tout seul, même qu'il soit statique ou en rotation, il ne va pas émettre d'ondes gravitationnelles. C'est pour ça qu'il faut une binaire, il faut une paire d'objets pour briser cette symétrie. Alors, d'autres objets qui peuvent émettre des ondes gravitationnelles, ça serait par exemple une étoile à neutrons qui serait déformée pour une raison ou une autre, et qui, peut-être en rotation, mais déformée, peut émettre aussi des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est une source qu'on peut également chercher. En préparant cette émission, je suis tombé aussi sur une formule qui m'a intrigué, c'est le fond stochastique. Alors, à quoi correspond ce fond stochastique et que peut-il nous apprendre sur les ondes gravitationnelles? Alors, peut-être que je peux répondre un petit peu par analogie. Donc, quand on pense à la lumière, donc aux ondes électromagnétiques, on peut voir des étoiles individuellement, mais quand les sources d'ondes électromagnétiques sont extrêmement lointaines, on peut pas les voir individuellement. On voit un espèce de fond qui est la superposition de toute cette lumière qui vient des étoiles qu'on peut pas voir individuellement. Donc, pour les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Il y a les sources individuelles qu'on peut voir, dont on vient de parler. Mais il y a aussi tout un fond de bruit, si vous voulez, d'ondes gravitationnelles, qui sont les sources qu'on ne peut pas voir individuellement. Et ce fond stochastique d'ondes gravitationnelles a énormément d'informations dedans. On cherche vraiment à trouver toutes ces propriétés. Mmh. Antoine Petitot, on a parlé de coalescence des systèmes binaires, de fond stochastique, de sources continues avec notamment les étoiles à neutrons ou encore les pulsars. Il reste un dernier type de producteur d'ondes gravitationnelles, c'est les sources impulsives. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est vraiment un type homologué par la Fédération? Daniel pourra en parler mieux que moi, ça serait des bursts d'ondes gravitationnelles, par exemple, lorsque des cordes cosmiques, qui sont des défauts topologiques, se tordent les uns sur les autres ou se connectent les uns avec les autres. Et là, on pourrait avoir une émission instantanée, très puissante d'ondes gravitationnelles. Enfin, instantanée, ça dépend. La forme, peut-être que je peux rebondir là-dessus, c'est que quand on regarde la forme d'onde qui est émise par les binaires, elle a une certaine forme, c'est quelque chose qui oscille avec une amplitude qui augmente. Quand on regarde les ondes qui sont émises, par exemple, par ces cordes cosmiques, ça a une forme qui est complètement différente. C'est une forme plutôt en forme de pic ou de pente. Et on peut les chercher aussi dans les données. On va bien évidemment maintenant parler de cette forme, de cette fréquence à laquelle on observe ces ondes gravitationnelles, puisqu'Antoine Petitot, on parlait d'événements extrêmement énergétiques, mais qui nous arrivent de très très loin dans l'espace-temps. Et qui perdent du coup, enfin qui du coup sont de l'ordre de l'infime à détecter. Alors comment est-ce que à partir de cette infime variation, quelle onde gravitationnelle, on peut reconstituer l'histoire de l'événement en soi? Ça m'intrigue vraiment beaucoup cette idée d'onde et qui recouvre vraiment l'événement. Donc en fait, on connaît en développant les équations de la relativité générale, on arrive à prédire de manière assez précise la forme que l'on s'attend à avoir pendant la phase où les deux objets vont lentement osciller l'un autour de l'autre, pendant laquelle ils vont fusionner et pendant la phase finale. Et on a une forme très précise de ça. En plus, on connaît la position de notre détecteur très précisément, ou de plusieurs de nos détecteurs. Et en couplant toutes ces mesures de plusieurs détecteurs, on arrive à reconstituer donc la direction de la source, qui est une information qui est assez importante. En fonction de la vitesse à laquelle évolue le système, on arrive à reconstituer, à retrouver les masses qui sont en jeu dans le système. Et enfin, en fonction de l'amplitude, c'est en gros la masse divisée par la distance. Donc vu qu'on a mesuré la masse d'autre part, on arrive à reconstituer la distance de la source. Alors justement, cette fréquence des ondes gravitationnelles qui est assez infime, quelles implications techniques ça va avoir sur les détecteurs auxquels on arrive maintenant? On va devoir les présenter, ces détecteurs, expliquer comment ils fonctionnent. Alors, en fonction de la fréquence des ondes gravitationnelles, on va avoir différents types de détecteurs, différents types de détecteurs. La fréquence, c'est-à-dire la vitesse d'oscillation de l'espace-temps. Lorsque l'espace-temps oscille très vite, c'est-à-dire entre une oscillation, toutes 10 oscillations par seconde et 1000 oscillations par seconde, là on est dans la bande de fréquence des détecteurs qui sont au sol, qui sont construits actuellement, qui sont LIGO, Virgo, c'est les premières détections d'ondes gravitationnelles. Si on regarde les oscillations qui sont plus lentes, c'est-à-dire entre une oscillation par seconde à une oscillation par heure, voire par jour, là on a besoin d'un détecteur beaucoup plus grand, et c'est les détecteurs spatiaux. Et enfin, quand on arrive à des fréquences encore plus basses, qui sont émises par les très très gros trous noirs, plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, on a besoin l'oscillation est de l'ordre de l'année, et on a besoin, là on utilise les systèmes de pulsars pour observer ça. Alors là on devance un petit peu non mais il y a aucun problème, au contraire c'est très bien d'annoncer un petit peu la couleur et ça permet aux auditeurs de rester, mais si on se concentre sur ces interféromètres au sol que sont LIGO Virgo, à quoi ça ressemble, à quoi correspond l'installation? On utilise le principe de l'interférométrie qui nous permet de mesurer des variations extrêmement faibles, des déformations extrêmement faibles de l'espace-temps et des variations de distance extrêmement faibles. Donc on a un interféromètre, c'est typiquement constitué d'un laser. Maintenant on a des lasers qui sont très très puissants, qui sont de l'ordre de 20 watts et presque 100 watts bientôt, qui émet donc un faisceau qui est divisé en deux. Et ce faisceau part sur deux bras, dans deux tubes à vide, qui font, au sol, ils font quasiment 4 km. Et donc, au bout de chacun de ces tubes, il y a des miroirs, et les faisceaux laser font plusieurs allers-retours dans ces tubes, et à la fin sont recombinés près de l'endroit où ils ont été émis. Et en regardant la recombinaison de ces deux faisceaux qui ont parcouru des distances, alors s'il n'y avait pas d'onde gravitationnelle, ils parcouraient exactement la même distance et ils se chevaucheraient parfaitement. S'il y a une onde gravitationnelle, on a un léger décalage entre le recouvrement des deux faisceaux, et là on voit, et c'est comme ça qu'on détecte, là on voit quelque chose, et c'est comme ça qu'on détecte les ondes gravitationnelles. On parle de ce double interféromètre LIGO-Virgo, LIGO qui est installé aux États-Unis et Virgo qui est en Italie. Pourquoi c'est important d'avoir deux détecteurs à autant de distance? Parce que ça nous permet déjà. L'onde gravitationnelle, c'est quelque chose d'extrêmement fin, d'extrêmement faible. Et si on observe avec deux systèmes complètement indépendants, on va déjà être plus sûr, on va déjà avoir une certitude beaucoup plus importante sur le fait qu'on ait vraiment observé une onde gravitationnelle et pas un autre bruit parasite. Ça nous permet aussi de remonter à la direction de la source de l'onde gravitationnelle, parce que donc l'onde gravitationnelle, elle se propage, on dit, de manière transverse, c'est-à-dire qu'elle déforme l'espace dans la direction perpendiculaire à sa direction de propagation. Donc si on a plusieurs détecteurs qui sont orientés de manière différente, ils vont pas avoir la même ils vont pas réagir de la même manière à l'onde gravitationnelle, et donc on peut remonter à la distance. De plus, un détecteur va être touché par l'onde gravitationnelle si on veut avant les autres, et ça nous permet aussi de remonter à la distance. Donc c'est très important pour pouvoir localiser la source et pour garantir qu'on a bien détecté une onde gravitationnelle. Alors on va en arriver au reportage du jour, puisqu'il s'agit ici des interféromètres. La construction d'un interféromètre comme celui de Virgo près de Pise est un projet de très longue haleine, nécessitant des améliorations constantes, et ça tombe bien puisque c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Antoine. Vous vous êtes rendu au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris. Oui, j'ai rencontré Matteo Barsulia, chercheur CNRS qui travaille sur Virgo depuis 25 ans et qui en est le responsable France de cette collaboration. Ce projet donc a été conçu dans les années 80, une mise en construction en 97, une première mise en service en 2005. Et on en a parlé, la première détection d'ondes gravitationnelles n'est arrivée que 10 ans plus tard. Donc il a fallu améliorer la sensibilité de l'interféromètre à plusieurs reprises, avec plusieurs générations. Donc d'abord Virgo, Virgo Advanced et bientôt Virgo Advanced Plus. Et ces optimisations concernent entre autres la puissance des lasers, la qualité des miroirs, mais aussi les injections de vide manipulées, donc qui est une technique issue de la mécanique quantique et appelée squeezing. Et donc tout ce perfectionnement permet de diminuer les différents bruits et d'obtenir une meilleure sensibilité et donc de détecter des événements à de plus grandes distances. Virgo est en ce moment en phase d'amélioration depuis mars 2020 et reprendra ses observations avec les détecteurs LIGO aux États-Unis et Kagra au Japon à la fin de l'année 2022. Les premières idées pour l'utilisation d'un interféromètre pour la détection des ondes gravitationnelles datent des années 60. Les premiers prototypes datent des années 70. Et ensuite, il y a eu un travail donc de développement de prototypes jusqu'au proposal des deux grands projets LIGO et Virgo, donc LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe, donc aux années 80. Et ensuite, le projet Virgo a été approuvé au début des années 90. La construction démarre en 1997. Et le détecteur commence à fonctionner vers 2005-2007. Donc moi, je travaille dans le projet Virgo depuis 25 ans. J'ai contribué avec beaucoup d'autres collègues à développer le détecteur, la première version du détecteur, son amélioration, ce que nous appelons Virgo avancé. Et là, je contribue à l'amélioration successive qui s'appelle Advanced Virgo Plus, donc qui est en cours. De quand date la première détection réelle de Virgo et comment est-ce qu'ensuite on l'améliore? La première détection d'une onde gravitationnelle date de 2015. Donc la première détection a été réalisée par les deux détecteurs LIGO. Les données ont été analysées aussi par les chercheurs de Virgo. Il s'agissait d'une coalescence de deux trous noirs, donc détectés le 14 septembre 2015 par les deux détecteurs LIGO. Ensuite, la première détection conjointe Virgo-LIGO date de le 14 août 2017, il y a eu la première détection triple. Donc c'était une fusion de deux trous noirs. Et ensuite, le 17 août 2017, c'était une fusion, une coalescence de deux étoiles à neutrons. Et donc cet événement très connu, un événement multimessager, car il était observé non seulement avec des ondes gravitationnelles, mais dans tout le spectre électromagnétique. Et justement, pour faire cette observation exceptionnelle, il y a eu besoin d'amélioration. On est passé déjà à l'Advanced Virgo, et avant, il y avait Virgo. Quelles sont les différences en fait, entre ça, et comment est-ce qu'on continue à l'améliorer? Donc, notre histoire est une histoire d'alternance entre des prises de données et d'amélioration. Donc, la première génération des détecteurs, Virgo LIGO, disons jusqu'en 2010, n'a pas détecté les ondes gravitationnelles. Ensuite, il y a eu la génération successive, donc Virgo avancé, LIGO avancé, donc avec les premières détections d'ondes gravitationnelles. Et là, nous avons continué à observer et à alterner cela avec des améliorations. Donc en ce moment, par exemple, donc nous avons arrêté la prise de données en mars 2020. Et là, nous traversons une nouvelle phase d'amélioration, donc Advanced Virgo Plus et Advanced LIGO Plus. Donc la prochaine prise de données, ça sera à la fin de l'année prochaine. Les améliorations concernent plusieurs parties du détecteur. Nous augmentons la puissance du laser. Nous augmentons la qualité des miroirs, à la fois les propriétés optiques, mais aussi les propriétés mécaniques qui sont responsables d'un bruit qui est lié à l'agitation thermique des atomes des miroirs, ce qu'on appelle le bruit thermique. Et nous injectons aussi des états de vide manipulé, de vide comprimé, on appelle ça squeezing en anglais. Et donc c'est une technique issue de la mécanique quantique et qui est capable aujourd'hui de réduire le bruit quantique. Le bruit est vraiment lié à la mesure. Donc nous injectons ces états par la sortie du détecteur. Donc ces techniques donc sont en amélioration continue. Et donc dans la prochaine version de Virgo, nous aurons des techniques de squeezing plus performantes. Et ainsi que des lasers plus puissants et des meilleurs miroirs. Et toutes ces propriétés-là, c'est uniquement pour améliorer la sensibilité. Comment la sensibilité a été modifiée en fait avec les différentes versions ? Les améliorations sont faites pour améliorer la sensibilité, bien sûr. Donc, une meilleure sensibilité signifie que nous pouvons détecter des événements à des distances plus grandes. Par exemple, pendant la deuxième prise de données, LIGO Virgo, nous étions capables de détecter des coalescences des étoiles à neutrons à une distance moyenne de 25 mégaparsecs, donc plus ou moins 75 millions d'années-lumière. Pour la troisième campagne d'observation, cette distance avait doublé. Et là, l'idée, donc nous sommes arrivés à 50 mégaparsecs, et là, avec Advanced Virgo+, l'objectif d'arriver à 100 mégaparsecs, donc doubler encore la distance et puis faire encore d'autres améliorations et la doubler encore à l'horizon 2026. Voilà pour ce reportage au laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Daniel Stier, une réaction à ce que vous venez d'entendre et à ce futur qui s'annonce foisonnant pour la découverte des ondes gravitationnelles? Absolument. Donc, comme disait Matteo, là, on peut, avec la sensibilité qui est augmentée, on peut voir de plus en plus loin dans l'univers. Donc, on peut découvrir des sources qu'on n'a pas vues jusque-là. Et si je peux me permettre de dire, ça sera encore mieux dans le futur, parce qu'il y aura d'autres détecteurs, non seulement à LISA, mais aussi au sol. On va peut-être construire un détecteur Einstein Telescope qui permettra d'avoir une sensibilité encore plus grande. Donc on pourra avoir une meilleure sensibilité, on pourra voir encore plus loin et on pourra peut-être même voir, si on voit une binaire qui vient d'une distance qui est tellement grande, qui serait avant la formation de structures dans l'univers, ça nous permettrait de dire que cette binaire, elle ne peut pas avoir été formée par l'effondrement d'étoiles parce qu'il n'y aurait pas d'étoiles. Donc il faudrait qu'il y ait une source vraiment dans l'univers très très primordiale. Donc pour dire que plus on peut voir loin, plus on peut apprendre des choses vraiment sur l'évolution de l'univers très très tôt. Et on va faire bien évidemment la liste de toutes ces choses auxquelles vont se confronter les chercheurs autour des ondes gravitationnelles. Mais avant ça, Antoine Petitot, on peut parler quand même de la multiplication des détections qui ont été réalisées depuis 2015. J'évoquais en début d'émission l'annonce de 35 nouvelles détections réalisées sur la campagne de 2019-2020, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Quel intérêt a la multiplication de ces détections et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information d'ores et déjà ? On a vraiment, avec les améliorations successives des détecteurs au sol, on voit qu'au début, on détectait une source par mois et puis on est passé à une source par semaine. Et là, maintenant, on était sur le dernier run, on était à deux sources par semaine. Et donc, cette multiplicité, elle nous permet d'essayer de mieux comprendre les sources parce que ces trous noirs de dizaines de masses solaires, etc., c'était pas au début, avant leur première détection, c'était pas une source privilégiée. On se disait que ça pouvait exister, mais on se disait pas que c'était une source privilégiée. Et le fait qu'on en découvre avec de telles masses, ça pose quelques questions sur comment est-ce qu'ils sont formés. Donc ça nous apprend des choses sur la structure, sur l'évolution des systèmes binaires dans les galaxies, etc. Et jusqu'à présent, par contre, quand on parle de ces 35 nouvelles détections, est-ce que ça correspond toujours au même type d'événement ? C'est essentiellement des binaires de trous noirs. Il y a quelques binaires il y a un nouveau type de source, c'est-à-dire une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est un objet très compact, c'est-à-dire la masse du Soleil dans une boule, dans une sphère de 10 km. Donc, étoile à neutrons et trous noirs. Ça, c'est assez récent qu'on on détecte ce type de source. Et c'est assez nouveau et donc ça apporte de nouvelles informations. Il y a eu aussi les détections étoiles à neutrons, comme la très célèbre source qui a un peu révolutionné l'astrophysique, qui était en août 2017. Mmh. Daniel Stier, sur cet événement-là et sur cette multiplicité encore limitée, on va dire, même si c'est particulièrement intéressant, d'événements, comment est-ce qu'on peut les étudier, les analyser une par une, ces fusions-là, et qu'est-ce que ça peut déjà nous apprendre avant même de parler des futurs instruments? Alors, si on parle de la source, donc la binaire d'étoiles à neutrons, GW170817, donc ce qui était fascinant avec cette source, c'est qu'on l'a vue non seulement en ondes gravitationnelles, mais aussi en ondes électromagnétiques, parce qu'il y avait une émission de rayons gamma et aussi d'autres fréquences après. Et ça, comme disait Antoine tout à l'heure, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la relativité générale. Entre autres, on a vu que l'onde gravitationnelle est arrivée et puis une virgule 74 secondes plus tard est arrivée l'onde électromagnétique. Et donc ça nous dit que vu qu'elles sont arrivées plus ou moins au même moment, ça nous donne des contraintes sur la vitesse de la propagation des ondes gravitationnelles. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est un test de la théorie de la relativité générale. Qui est une théorie qui est largement validée, mais qui a encore des petits points d'achoppement dont on va bien évidemment parler dans un instant. Ouais. Ce sera juste après ça. M'entraîne par Julien Bouchard dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'ondes gravitationnelles en compagnie de Daniel Stier, professeur à l'Université de Paris en physique théorique, en compagnie également de Antoine Petitot, astrophysicien à l'IRFU au CEA. Antoine Petitot, je vous ai coupé un petit peu l'herbe sous le pied avant la musique quand on parlait de cette fusion d'étoiles à neutrons et de cette détection en 2017 d'une onde gravitationnelle qui était suivie d'une onde électromagnétique. Ça nous a permis d'avoir des renseignements non seulement sur l'événement qui a eu lieu à l'origine de cette onde-là, mais aussi sur la matière en elle-même, sur la matière. Alors expliquez-nous cette révélation. Cet événement a permis de de bien confirmer que c'était la fusion de deux étoiles à neutrons qui émettait ce type de gamma ray burst, comme on dit. Et aussi, en regardant le spectre électromagnétique, on s'est aperçu qu'il y avait des raies spectrales qui correspondaient à des éléments très lourds. Et ça veut dire que lors de la fusion d'étoiles à neutrons, des éléments très lourds, tels que l'or, etc., et des matériaux très lourds, sont formés. Et on pense maintenant qu'une partie des éléments qui se trouvent sur Terre ont été formés lors de la fusion d'étoiles à neutrons. Alors, si on avance un petit peu maintenant dans le futur des ondes gravitationnelles, qui est déjà largement prometteur, puisque compte tenu de toutes les informations que vous avez données, on se rend compte déjà des pas qui ont été franchis. Antoine Petitot, vous êtes le coordinateur d'une des missions de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle LISA, d'un détecteur d'ondes gravitationnelles, cette fois dans l'espace. Mm-hmm. Quel intérêt y a-t-il à aller dans l'espace pour détecter d'autres types d'ondes gravitationnelles, et qu'est-ce que ça va vous permettre de détecter comme type d'ondes gravitationnelles? Alors, on va aller chercher, avec un détecteur dans l'espace, on va aller chercher une autre bande de fréquence, c'est-à-dire des oscillations plus lentes de l'espace-temps. Et dans la bande de fréquence de LISA, qui est de 2·10⁵ Hz à 1 Hz, c'est-à-dire des oscillations de l'ordre de la journée jusqu'à de l'ordre de la seconde, mmh. On a énormément de sources très intéressantes. On a donc les binaires de masse solaire qui émettent des ondes gravitationnelles des milliers d'années avant leur fusion, mais là on en a dans la galaxie, on estime à peu près à 30 millions, et ces sources on pourra à peu près en détecter 25 000 avec le détecteur LISA. Une autre source clé très intéressante, c'est les fusions de binaires de trous noirs supermassifs. On sait que les trous noirs supermassifs existent. Ils existent dans le centre des galaxies. On en a un au centre de la nôtre, Sagittarius et Star. Mm-hmm. On a aussi vu un trou noir supermassif au centre de M87 avec Event Horizon Telescope. Et c'est lorsque les galaxies ont fusionné, on s'attend à ce que des binaires de trous noirs supermassifs se forment. Et LISA verra ces sources-là de manière extrêmement précise, avec des rapports signal à bruit extrêmement forts. Typiquement, si on a deux trous noirs qui font des millions de fois la masse du Soleil, qui fusionnent quelque part dans l'univers, on les verra. Mmh. Il y a même plus de notion de... On commence à ne plus avoir de notion de distance, c'est s'il y en a, on les verra. Et donc c'est assez révolutionnaire pour l'astrophysique, d'autant qu'on comprend pas très bien l'origine de ces trous noirs supermassifs qui existent. Alors, on évoquait tout à l'heure les installations requises par les interféromètres au sol. À quoi va ressembler cet interféromètre dans l'espace, puisqu'on imagine qu'il va pas être vraiment évident d'avoir deux bras de 2,5 km qui se croisent? Non. Là, on parle, c'est le plus grand instrument qu'on aura jamais construit, en quelque sorte, puisqu'on a des satellites qui sont distants de 2,5 millions de kilomètres en formation triangulaire. 2,5 millions de kilomètres, c'est 6 fois la distance Terre-Lune. Et cette constellation de 3 satellites, chaque satellite tourne sur sa propre orbite autour du Soleil. Et cette constellation suit la Terre sur son orbite. Tout en tournant autour du Soleil. Et donc, on a des échanges de lasers entre ces 3 satellites. Et il y a 2 choses très très importantes à prendre en compte quand on envoie un détecteur dans l'espace. C'est déjà, on veut échanger des lasers entre ces satellites. Donc, un peu comme au sol, on envoie des lasers et on fait des interférences. Par contre, on ne peut pas faire des allers-retours sur le long des bras. Parce que si on émet 2 watts, on reçoit qu'une centaine de picowatts à l'autre bout. Donc on ne peut pas mettre un miroir qui va renvoyer, on n'aurait quasiment plus rien. Donc on est obligé de faire des interférences entre différents lasers, et ça pose quelques difficultés techniques. Et l'autre élément technologique clé, c'est le fait que l'on doit être sensible qu'à la gravité. Si on veut être sensible aux ondes gravitationnelles, il faut être vraiment attaché sur l'espace-temps, être sensible qu'à la gravité. Et pour ça, c'est pas évident dans l'espace. Même si on croit que c'est calme, etc., on a des particules qui viennent du vent solaire, on a des micrométéorites, il y a tout un tas d'éléments perturbateurs. Donc la technique qui a été développée, c'est d'avoir des petites masses, enfin petites, elles font 4 cm, c'est des cubes de 4 cm par 4 cm, qui font 2 kg en or platine, et le satellite protège ces masses, et se réajuste constamment, mesure constamment sa position par rapport à ces masses, et avec des micro-fusées se réajuste dessus. Mmh. Et cette technologie, qui était une technologie clé et qui a souvent un peu posé problème dans le fait que les agences valident complètement la mission, a été testée par la mission LISA Pathfinder, et on a même réussi sur LISA Pathfinder à faire 30 fois mieux que ce qui s'était prévu. Donc ça, la mission LISA aujourd'hui, elle est complètement validée. Et elle sera lancée en vers mi-2030 parce que ça prend du temps de la construire. Daniel Stier, c'est une promesse assez incroyable qu'apporte LISA. Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi conjuguer les données qui vont être relevées par ce satellite, par cet interféromètre spatial et les interféromètres au sol? Est-ce qu'ils vont observer des choses qui pourraient être complémentaires ou bien est-ce que ce sera quand même deux champs d'exploration assez parallèles? Alors, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, il y a des sources telles que les binaires de masse stellaire, donc les binaires de trous noirs de masse, une trentaine, disons, de masse solaire, qui vont fusionner dans la bande de fréquence de LIGO, mais qui seront observés également dans la bande de fréquence de LISA. Donc, on va avoir ces deux expériences qui vont mesurer les mêmes événements, et donc ça va nous apprendre beaucoup de choses. Mmh. D'autre part, aux fréquences de LISA, donc pour revenir à l'univers très primordial, on va apprendre beaucoup de choses sur les sources primordiales qui existent dans l'univers. Et ça va être vraiment une révolution pour la cosmologie. Quelles seraient ces sources, par exemple? Alors, on parle de sources donc très très tôt dans l'histoire de l'univers. Et c'est au-delà des énergies qu'on peut tester dans les accélérateurs de particules. Donc c'est vraiment des choses beaucoup plus hypothétiques. Donc on a des théories qui nous prédisent l'existence de certaines sources. Par exemple, il y a l'inflation qui pourrait générer des ondes gravitationnelles. Il y a donc les cordes cosmiques, donc on a mentionné. Il y a aussi des transitions de phase, par exemple la transition de phase électrofaible dans certains modèles peut générer aussi des ondes gravitationnelles et donc un fond stochastique d'ondes gravitationnelles qui serait exactement dans la fréquence de LISA. Donc ça nous permet de tester des théories qu'on peut pas tester dans les accélérateurs de particules. En fait, on est vraiment Antoine Petitot, pardon. Non, juste grâce au fond stochastique, ce qu'il faut voir, c'est que on est capable d'accéder à quelque chose. On ne peut pas accéder avec les photons parce que les photons, en fait, on a ce mur qui est à 380 000 années après le Big Bang, qui est le mur qui est le CMB, le fond diffus cosmologique. Mmh. Avant, la matière et les photons étaient dans un état de soupe trop compacte pour pouvoir sortir l'une de l'autre. Et là, les ondes gravitationnelles nous permettent d'aller potentiellement d'aller chercher de l'information sur cette phase primordiale de l'univers. Et c'est quelque chose, c'est des sources, comme Daniel l'a dit, assez hypothétiques, mais si on les découvre, c'est révolutionnaire. C'est une révolution. On apprendra énormément de choses sur la physique, l'astrophysique, la cosmologie. Daniel Stier, là, on est vraiment à l'aube d'une révolution potentielle dans le domaine de l'astrophysique, puisqu'on pourrait se passer de la lumière, on pourrait aller au-delà de ce fond diffus cosmologique et éventuellement observer cet espace entre le Big Bang et les émission de la toute première lumière, ce moment qu'on appelle l'ère de Planck, qui est tout de suite après le Big Bang. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait, oui. Donc, comme Antoine a dit, avec ce fond stochastique non gravitationnel, on va au-delà du mur du CMB. Donc on va exactement essayer de voir ce qui se passe dans cette période entre le temps de Planck, si vous voulez, 10⁻�43 secondes, je crois, après le Big Bang, jusqu'aux 380 millions d'années où il y a eu la formation du fond stochastique. Alors cet instant, cette ère de Planck, elle est très très énigmatique. Antoine Petitot, qu'est-ce qu'on pourrait y découvrir? Alors ça, c'est la question à mille euros, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait y découvrir? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans cet endroit sans lumière? Alors on peut, comme je le disais, on peut aller chercher des choses sur la physique des particules et sur la cosmologie, sur les différentes étapes dans l'univers primordial qui ont conduit à l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et sur la physique des particules, on est vraiment complémentaire avec LISA des détecteurs de ce qui se fait au CERN, de ce qui se fait dans les accélérateurs de particules. D'ailleurs, on a une partie de la communauté de personnes qui travaillent avec le CERN qui travaillent aussi avec nous sur LISA. Ce qui est, Daniel Stier, très intéressant aussi avec les ondes gravitationnelles, c'est que là, on comprend qu'on peut aller dans l'univers le plus primitif, mais c'est aussi un objet d'étude particulièrement intéressant pour l'univers plus tardif, plus proche de nous, on va dire. Voilà, donc effectivement, on peut étudier la cosmologie comme très très primordiale, mais aussi la cosmologie tardive. Et donc la cosmologie tardive, on l'étudie en regardant les propriétés des sources individuelles. Donc c'est pas le fond stochastique qu'on utilise pour étudier l'univers primordial. Et donc à partir des sources individuelle. Et surtout, à partir de cette binaire d'étoiles à neutrons dont on a parlé tout à l'heure, on arrive à mesurer le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Par exemple, c'est donc la fameuse constante de Hubble. On peut rappeler, alors même si on a consacré quelques émissions au sujet, on peut rappeler quand même la tension qui existe et là le casse-tête qui existe pour aujourd'hui les cosmologistes autour de cette constante de Hubble. Voilà, donc le problème, c'est que donc la constante de Hubble, c'est quelque chose qui, dont l'inverse donne une dimension et une dimension de temps. Donc ça donne un peu l'échelle temporelle de l'univers aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs méthodes pour mesurer cette constante de Hubble, mais les deux plus importantes, je dirais, donnent des résultats qui ne sont pas compatibles l'un entre autres. Alors que, pour le coup, les calculs sont bien faits. Donc c'est là aussi où il y a un petit problème. Alors c'est aussi des débats entre chercheurs, mais ouais. Disons que la méthode de calcul est cohérente et que, a priori, il devrait tomber sur le même résultat avec deux méthodes différentes. C'est la même quantité physique qu'on mesure de deux façons différentes et on trouve deux résultats différents. Et là-dessus arrivent les ondes gravitationnelles. Qu'est-ce qu'elles pourraient justement permettre de trancher dans ce débat sur le résultat de la constante de Hubble qui n'est pas le même? Donc les ondes gravitationnelles sont une troisième façon complètement indépendante de mesurer cette même quantité. Et donc en ce moment, on n'a pas suffisamment de précision avec ce seul événement de binaire d'étoiles à neutrons, et même avec les 90 nouvelles détections. On n'a pas encore la précision pour pouvoir différencier entre les deux, donc résoudre cette tension. Antoine Petitot, sur cette énigme à laquelle pourrait apporter sa pierre à l'édifice, pourrait apporter ces ondes gravitationnelles. Oui, parce que les ondes gravitationnelles nous permettent vraiment, en fait, la technique, elle est, grâce à l'onde gravitationnelle, on accède à la distance. Et si on observe la même source dans le domaine électromagnétique, on obtient son redshift et donc sa vitesse de propagation dans l'univers. Et donc cette relation entre la distance et le redshift, elle est complètement gouvernée par la géométrie de l'univers. Et donc avec les sources que l'on observe actuellement, on arrive à poser des contraintes. Avec les futurs détecteurs au sol et dans l'espace, on arrivera à poser des contraintes et même à différentes échelles de distance. Donc c'est-à-dire mesurer la constante de Hubble plus localement auprès de nous, et la mesurer aussi plus loin avec les binaires de trous noirs supermassifs. Et en combinant tout ça, on espère apporter. Alors peut-être que la précision que l'on aura sera pas suffisante pour dire c'est exactement ça, mais elle permettra de clarifier peut-être un peu le débat. C'est ce qu'on espère, mais ça dépend aussi du taux d'événement de source, de la probabilité aussi que ces sources soient à la fois observables dans le domaine avec les ondes gravitationnelles et avec les ondes électromagnétiques. Daniel Cyr, vous évoquiez tout à l'heure un objet qui est encore théorique, hypothétique, les cordes cosmiques. À quoi ça correspond, une corde cosmique, et que voilà, les ondes gravitationnelles, qu'est-ce qu'elles vont avoir à faire avec ces objets théoriques? Comment on va éprouver cette théorie-là grâce aux ondes gravitationnelles? Donc les cordes cosmiques sont des objets qui sont formés dans des théories dès qu'on a ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Donc dès que la symétrie de la théorie est brisée. Et ce sont, pour faire une analogie, ce sont un peu comme, donc quand on prend l'eau qui gèle, ça devient de la glace. Et si tout est absolument parfait, la glace est régulière, mais on voit très souvent des discontinuités dans la glace. Il y a des défauts dans cette glace. Et en cosmologie, on peut avoir le même genre de choses. Donc c'est des objets plutôt linéaires, donc des cornes, qui peuvent être produites donc grâce à des brisures de symétrie. On pense qu'elles peuvent être produites vraiment très très tôt, à des échelles d'énergie qui sont vraiment immenses. Et une fois qu'elles sont formées, elles ne peuvent pas disparaître. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont présentes pendant toute l'évolution de l'univers, jusqu'à aujourd'hui. Et pendant leur évolution, elles vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc toutes ces ondes gravitationnelles intégrées depuis leur formation jusqu'à aujourd'hui va générer un fond stochastique. Mais comme le disait Antoine tout à l'heure, si la corde est aussi très proche de nous, bon, tout est relatif, mais elle peut aussi émettre ce qu'on appelle des bursts, donc des pulses d'ondes gravitationnelles qu'on peut aussi chercher. Et si on arrive à les voir, ça nous met une contrainte sur l'échelle d'énergie à laquelle ces cordes ont été formées. Donc on peut apprendre quelque chose vraiment sur la physique extrêmement tôt dans l'histoire de l'univers. Antoine Petitot, là, on comprend que le panel des questions est vraiment extrêmement vaste. Comment est-ce qu'on s'y retrouve et comment on priorise finalement les orientations d'études? Est-ce qu'il faut partir tous azimuts? Alors on part plutôt, je dirais, tous azimuts, parce que de toute façon le détecteur qui nous permet de faire ça, il y en a un, on va le construire. Et après, Il y a une partie qui est assez complexe, c'est comment dans les données que l'on recevra au sol, on arrive à bien séparer tout ça, à observer tout ça. Donc en France, on a la responsabilité justement de l'analyse des données et on travaille beaucoup et c'est sur ces méthodes. Donc là, c'est du traitement du signal pour séparer tous ces signaux dans les données de LISA. On évoquait tout à l'heure donc les interféromètres au sol, le futur interféromètre spatial LISA, et puis il y a aussi un autre objet, pour le coup un observatoire galactique, les pulsars. Antoine Petitot, expliquez-nous un petit peu en quoi ces objets peuvent nous renseigner sur les ondes gravitationnelles et peuvent être des détecteurs galactiques. Oui, alors c'est comme si on... Là, on passe à une échelle encore plus grande, c'est-à-dire que pour détecter des fréquences, des ondes gravitationnelles à des fréquences encore plus faibles, donc des oscillations de l'ordre de l'année, il nous faut un détecteur encore plus grand. Mais là, on ne peut pas le construire parce qu'on est limité dans le système solaire, enfin, même le système solaire ne serait pas assez grand. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on utilise ce qui existe dans la galaxie, ce qui s'appelle les pulsars. Les pulsars, et en particulier les pulsars millisecondes, c'est des étoiles à neutrons qui émettent un faisceau dans une direction particulière et qui tournent très vite. Typiquement, elles font 100 tours par seconde. Et donc, on a, si ce faisceau, comme le principe d'un phare, si ce faisceau passe dans la direction de la Terre, on a des pulses qui arrivent. Et ces pulses sont extrêmement, extrêmement réguliers. Et si une onde gravitationnelle passe, elle va faire varier très légèrement l'arrivée des pulses. Donc avec un seul pulsar, c'est très difficile de dire est-ce que c'est un effet du pulsar ou est-ce que c'est une onde gravitationnelle. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on observe plein de pulsars simultanément avec les radiotélescopes, en particulier le radiotélescope de Nancy en France qui observe 60% des données européennes, qui est un très très gros contributeur. Et donc si on observe tous ces pulsars simultanément et qu'on observe un effet corrélé entre tous les pulsars, on a construit en quelque sorte un détecteur galactique d'ondes gravitationnelles et on arrive à observer les ondes gravitationnelles très très très très basse fréquence. Allez-y, pardon. Et d'ailleurs, très récemment, alors il y a trois collaborations qui existent dans le monde, la collaboration européenne, la collaboration australienne et la collaboration américaine, et ces trois collaborations indépendamment ont trouvé dans leurs signaux, elles observent toutes les pulsars, et chacune a trouvé indépendamment un signal corrélé entre les pulsars. On n'est pas encore capable de dire si c'est des ondes gravitationnelles ou pas, mais en tout cas, il y a des indications qui disent qu'on a un signal corrélé dans les pulsars, et que peut-être ça pourrait être un fond stochastique, un d'ondes gravitationnelles émis par des trous noirs supermassifs. Ça serait la première fois qu'on détecte ce genre de choses, et c'est complémentaire, là encore, de LISA. Mmh. Toujours avec cette technique de l'interférométrie, Daniel Stier, j'ai l'impression que ça suit un petit peu, à quelques années d'écart, la trajectoire qu'ont connue les recherches autour des exoplanètes, ces recherches autour des ondes gravitationnelles, le fait qu'on en a détecté peu et puis d'un coup on en découvre plein. Alors je ne sais pas si c'est une analogie particulièrement pertinente, mais disons que la technique d'interférométrie, ou Antoine Petitot par exemple, voilà, là est centrale et cruciale. Est-ce que je me plante complètement? Non, enfin sur la courbe d'évolution de détection avec les premières exoplanètes qui ont été découvertes dans les années 80, vers les années 90, fin des années 90, et là maintenant on a des satellites qui en détectent plein. Là, les ondes gravitationnelles, on peut faire une analogie juste sur l'évolution du domaine, c'est-à-dire qu'on commence par détecter quelques sources, et petit à petit, on augmente le nombre de sources détectées, et on envoie d'autres instruments dans l'espace qui nous permettent de détecter de plus en plus de sources et vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Mais là, on va couvrir vraiment un domaine, avec les ondes gravitationnelles, on touche à l'astrophysique, la cosmologie et la physique fondamentale. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on planche déjà aussi sur les interféromètres de troisième génération. On n'aura pas forcément le temps de les évoquer ici, mais on peut parler du Einstein Telescope en Europe et du Cosmic Explorer aux États-Unis avec des promesses incroyables, notamment une détection de coalescence de trous noirs toutes les quelques minutes et d'étoiles à neutrons tous les quarts d'heure. Donc là, c'est vraiment... Voilà, on est à l'aube d'un foisonnement de découvertes, et le tout sans lumière, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Daniel Stier et Antoine Petitot, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui d'Alia. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.